Les oranges pressées sont bonnes. Le matin, elles me mettent en forme. Mais j'en presse de chaque matin et elles partent bien vite. J'attendrai que mes parents en rachètent. Il est mort le rock'n'roll. Il joue au Crédit Agricole. Les backstage rodéos sont l'emblème du capitalisme. Les groupes clandestins sont au cimetière. J'invite ma copine au restaurant, mais j'ai peur une fois de plus de regretter, car demain elle pourrait très bien foutre ma vie en l'air, mais je suis trop con et ça me coûtera 30 euros, 10 euros ma pizza. 10 euros ses lasagnes, 10 euros nos deux places de cinéma. Et elle écoutera cette chanson et elle s'énervera encore. Ah, la vie est dure, ma bonne dame. Ah oui, ah oui, oui, ah. Bah oui, ah, ah oui, ah. Oh, en fait, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez y faire ?